C'est Richard, il est super fort, il peut changer le plomb en or. Notre analyste politique, Richard Descaries. Comment ça va, mon ami Descaries? Très bien, vous autres. Très, très, très bien. Comment, ouais. C'est le sud, vous autres, à Montréal, c'est ça? Fait plus 1000? 6 degrés aujourd'hui, et là, c'est... 6 degrés? On est ses terrasses. Ben oui, écoute, sûrement. Donne d'avoir une coupe, tu vois. Comparé à moins 38, on est capable. Faites du bien, hein, le mois de mars, des fois, là, avec l'arrivée du printemps, là, c'est... Le soleil et l'asphalte, c'est extraordinaire. Mais juste à gazon. Juste de voir l'asphalte, là, on va te dire, ça, ouais. Ça fait du bien. Mais le printemps, les oiseaux chantent, les gars de la construction aussi, puis on est bien contents, puis ça a été rough cet hiver. Je sais pas vous autres, comment vous l'avez vécu, là. Bon, je pense que partout, toute l'Amérique du Nord, là, je pense que le Québec a été le seul endroit où il n'y a pas eu de réchauffisme. Non. Selon nos alarmistes. Ben oui. Parce que je m'amuse au Québec, naturellement, à traiter toute la gauche de réchauffiste. Et là, il dit, non, c'est juste le Québec, là. Partout ailleurs, c'est chaud. Au Québec, il a fait très froid, cette fois. Ben oui, mais ça. Hey boy. T'as entendu l'extrait? Jean Tremblay, qui est sorti, qui a fait une petite vidéo. Moi, je l'aime, cet homme-là. Si tous les maires, si tous les élus étaient aussi dévoués que lui, là, puis il a peur de rien, il a même pas peur du ridicule. Alors, ce qu'il dit, là, faut arrêter d'écouter la caricature du personnage, là. Écoutons ce qu'il a dit. Ouais. Greenpeace, que j'appelle affectueusement Greenpeace. Pisse verte. C'est vraiment un organisme qui doit être dénoncé, et si les élus le font pas, et il le dit bien, il dit les élus démocratiquement élus, et non pas les lobbés, financé, comme on le sait très bien et qu'on l'a démontré plusieurs fois, oui. Financé par des lobbies pétroliers, etc. Alors, en fait, financé par, ben oui, par plus, entre autres, on parle souvent de Rockefeller Foundation, voilà. Tide Canada, des gens, écoute, c'est pas compliqué, leur but, c'est qu'on développe pas nos ressources naturelles pour qu'on puisse les acheter ailleurs. C'est pas compliqué. Là. Le pétrole, c'est la même affaire. Je veux dire, le pipeline, et ils veulent pas. C'est pas parce qu'ils trouvent que ça pollue. C'est parce qu'ils veulent qu'on continue d'acheter notre pétrole aux États-Unis, dans le golfe du Nouveau-Mexique. Les gens sont naïfs quand ils pensent que dans notre monde capitaliste, l'argent n'a pas sa raison d'être en politique. C'est omniprésent. Et les lobbies comme Greenpeace, c'est des canaux justement pour modifier la donne, pour avantager. C'est des luttes de pouvoir et eux autres, ils réagissent. Ils peuvent fermer une région. Et le maire Tremblay a tout à fait raison. Mm. Écoute, depuis qu'il a sorti cette vidéo-là, tous les humoristes du Québec, la soirée est encore jeune, sont tous en train de faire les gorges chaudes. Moi, j'ai sorti le mot-clic hashtag Greenpeace pour essayer de ramasser tout ce qui peut être fait pour contrer cette affaire-là. Il faut que le maire Tremblay, son message, soit passé, soit entendu par les travailleurs qui font les frais des grands syndicats dans la région du Saguenay, qui se réveillent eux autres et qui disent « Écoute, faut qu'on prenne notre région en main ». Ah non, il faut, puis je veux dire, bon, ils ont fermé une autre machine qui était quand même assez importante, c'est une vingtaine, sinon peut-être une 20 ou 30 d'emplois qui ont été perdus la semaine dernière. Puis si, écoute, s'il y a bien une région qui a de la misère là depuis plusieurs années, puis je sais, j'ai resté là 5 ans, c'est bien le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Puis on pollue pas, puis on n'arrache pas tous les arbres dans les forêts, puis on n'agit pas en sauvage. Là. Je pense qu'au Québec, Richard, tu vas sûrement être d'accord avec moi, des règlements, là... Il y en a, puis il y en a pu finir là. Fait que je pense qu'on est correct là dans ce qu'on fait. Il est clair dans sa vidéo. J'invite les gens à aller l'écouter là, c'est vraiment intéressant. Il dit carrément, écoutez, on a des règles établies par des gouvernements élus. Ben oui. Et ça, c'est la façon de fonctionner. Les entreprises doivent s'y plier. Ça coûte souvent de l'investissement. C'est pas toujours de gaieté de cœur. Mais quand t'as des lobbies anarchistes, et c'est ça que c'est, en fait. Carrément. Viennent déstabiliser complètement ces industries-là ou ces investissements-là. Ils peuvent faire reculer. Et ils l'ont fait avec Résolu. On le sait très bien. Mais je pense qu'il y a des endroits sur la planète là où ils devraient aller militer bien plus qu'au Québec. Mais au Québec, on est fin. As-tu déjà vu Greenpeace, toi, mon ami Richard, aller manifester contre l'Arabie Saoudite puis le pétrole? Pense que ça, ils leur tente pas. Moi, j'ai assisté à la conférence à Montréal du fondateur de Greenpeace, hein, un des deux, trois fondateurs dans les années 70. Et lui, il va sur toutes les tribunes à travers le monde pour dénoncer Greenpeace en disant qu'il avait lâché ce groupe-là quand il s'est aperçu que ça avait été inféodé par des groupuscules de pouvoir financiers. Et depuis ce temps-là, ces gens-là ont des agendas à eux. Donc, c'est une entreprise dans l'entreprise, tu comprends? Donc, il faut pas laisser faire ça. Il faut surtout pas les financer. Et il faut que l'État aussi agisse contre ces lobbies-là. Ce matin, à Montréal, il y a eu l'annonce de Monsieur Coderre, et c'est hier, en fait, l'annonce de Monsieur Coderre que tu as eu sur les ondes tout à l'heure. Le centre de prévention, là? Du centre de prévention contre le terrorisme, en fait, même si c'est pas ça que ça dit, là. Ils parlent d'intégrisme, à mon avis, ils font une erreur. Il faut s'attaquer au terrorisme, hein? C'est Greenpeace qui annonce justement ce qu'ils font au Saguenay. C'est pas du terrorisme, je me demande bien ce que c'est. Et quand on veut agir en amont, c'est un exemple, ça. Donc, il faut aller vers ceux qui déclarent la guerre comme ça et aller questionner les gens qui font ça. Et on a un autre exemple qu'on pourra parler, c'est le COBP qui veut s'attaquer à la Saint-Patrick, le défilé à Montréal. Ça aussi, c'est du terrorisme. D'accord avec toi. C'est sur des sites web, et il y a même un professeur anarchiste à l'Université du Québec qui l'annonce sur tous les fronts sur les sites web. Ben, il faudrait peut-être que la police aille les rencontrer, ces gens-là, avant d'avoir de la casse, avant d'avoir des gens de Greenpeace qui s'enchaînent à des portes d'entreprises et tout le reste. Parce que on les connaît, ceux-là, Richard. On sait c'est qui, là. Tu sais, je veux dire, les policiers doivent être au courant. Si nous autres, on est capable de faire 3-4 recherches sur Facebook, je pense que les policiers sont capables de le faire aussi, là. Ben, ils s'en cachent même pas, à part d'être anonymes, là. La représentante du COBP, là, ça, c'est le collectif opposé à la brutalité policière. Oui. En fait, la brutalité, c'est les manifestants, puis les policiers, ils font juste être passifs et attendre qu'ils bougent. Eux autres, ils cherchent juste le trouble, hein, on le sait. Et là, ils s'attaquent à une fête familiale, qui est la Saint-Patrick. Ils annoncent déjà une manifestation qui s'appelle la Saint-Patraque. Et là, ils invitent les gens à venir déguiser, etc. On sait ce que ça veut dire. Ben, sur le dessin, tu vois, je pense, un gars avec de l'argent d'une main, puis l'autre bord, tu vois leur groupe, le collectif, puis c'est un gars masqué avec, je pense, une brique dans les mains. Ben voilà. Ça augure bien, ou la manifestation tranquille, ça? Alors, ils annoncent la violence. On n'a pas des règles au niveau criminel là-dessus? On sait qu'on libère les filles de médecins et politiciens qui font du terrorisme, on les libère, là, mais ça, c'est une autre paire de manches. Mais ben, en amont, hein, on est en avant la manifestation qui est le 22 mars prochain. Alors, est-ce qu'on pourrait pas aller rencontrer la demoiselle qui s'appelle juste Jessica? Elle a pas de nom de famille, en bonne anarchiste qu'elle est, mais on pourrait la retracer. Il y a une journaliste qui l'a fait. Et on pourrait aussi aller voir Dupuis Déry qui monte la tête de ses étudiants depuis trop longtemps. Peut-être qu'on pourrait commencer par le remercier de l'Université du Québec à Montréal. Francis Dupuis Déry est un professeur très, très, très proche, je te dirais, du Black Bloc et du COPP, là. Puis ça date pas d'hier, là. T'as Marc-André Cyr aussi qui se promène dans ce coin-là, qui est un autre professeur à l'UQAM. Me semble qu'une belle petite rencontre, là, ça ferait pas de tort. Ben, juste le fait de leur payer un salaire avec tous les avantages qu'on connaît, hein, ils sont gradueux, comme on dit. Ben oui. C'est comme une subvention au terrorisme, carrément. Mm-hmm. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Puis souvent, puis ce que les gens savent pas, puis j'aimerais ça vérifier, faudrait que je fasse le tour un peu de l'Université Laval, mais prends l'UQAM, t'as plusieurs associations étudiantes, puis ça a été démontré, qui prennent l'argent des cotisations des étudiants, puis qui donnent ça à ce collectif-là, au COBP, qui vont donner ça à des skinheads, qui vont donner ça à... Écoute, ça n'a pas d'allure. Surtout, c'est de l'argent qui est obligatoire. Hein? Quand t'es à l'université, t'as pas le choix de payer ta quote-part. Ouais. Donc, il y a aucune démocratie dans leur façon de faire. Tout est obligatoire, comme tous nos syndicats au Québec. Là, tout est obligatoire, tout le monde doit payer. Et on n'a aucun droit de regard sur ce qu'ils font avec cet argent-là. Et on sait très bien qu'ils sont pas là pour aider le monde. Ils sont là juste pour organiser, financer des manifestations contre l'État, contre l'ordre, contre. Et tu sais-tu qu'est-ce que je trouve là-dessus, Richard, qui est... Selon moi, l'élément majeur de cette affiche-là, là, c'est que Québec solidaire est dans la gang. Et je t'explique pourquoi. Ben oui. T'as vu dans le coin en bas à droite, il y a un logo Comité Printemps 2015 qui est sur l'affiche là, qu'on fait pour la manifestation. Là. Je sais pas si ils se sont déjà dit. Qui était pour s'associer avec le COBP contre, dans la manifestation de la Saint-Patrick. Alors, ils l'ont dit officiellement, même, le comité printemps. Fait que, quand tu prends le temps de vérifier c'est qui le comité printemps, parce qu'ils ont eu leur assemblée générale à Québec, ça fait pas ben longtemps de ça, mais je peux vous dire que d'ailleurs, ils ont fait ça, là, au 435 rue du Roi, c'est dans les locaux du journal Droit de parole, OK? Puis c'est eux autres qui diffusent aussi les articles du groupe, là, Sortons les poubelles. Mais dans cette gang-là, t'as Raphaël Langevin. Raphaël Langevin de Stop Oléoduc, Capitale Nationale, candidat de Québec solidaire dans Portneuf, coordonnateur de Québec solidaire à l'Université Laval, il est dans le comité printemps 2015. Fait que moi, par association, je vois que Québec solidaire est dans la gang. Ben, c'est évident. Toute la gauche. Sont toutes là. Sont toujours au NPD au fédéral, sont toujours à Québec solidaire au provincial. Alors, c'est le même monde. Et on peut faire le lien allègrement parce que c'est certain que c'est toute la même gang, ça c'est évident. Et ils se servent de plus extrémistes qu'eux, c'est-à-dire les anarchistes, ben oui, pour venir attirer l'attention des médias. Parce que s'il y a du grabuge, il y a de l'intérêt des médias. C'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'ils vont se servir de ça pour passer leur message. Et comme tu le dis si bien, ça va être récupéré avec tous les groupes de gauche, les juristes, hein, tous les autres qu'on a déjà identifiés, ben oui, incluant Québec solidaire. Et là, t'as l'impression... L'Association des juristes progressistes, la Ligue des droits et libertés, puis toute cette gang-là. Là. Et Radio-Canada va leur donner le tapis rouge pour leur permettre de bien expliquer à toute la population. Et là, on va dire, ben écoute, ça a l'air que tout le monde est d'accord avec ça. C'est ça le problème de par rapport à la gauche en tant que telle. Tu sais, Richard, on pourrait régler le problème assez vite pour cette manifestation-là. Là. Tu vois, en l'espace de 15 minutes, on a sorti 3 noms. Là. Même 4, si tu rajoutes celle qui a pas de nom de famille, là. Un bon anarchiste, on nomme pas son nom complet, tu sais. Mais je pense que, regarde, les policiers devraient faire leur job puis aller rencontrer puis poser une couple de questions à ces gens-là parce qu'on peut pas laisser faire ça, là, à un moment donné, là. Marc Parent était sur nos ondes ce matin, il expliquait justement c'était quoi cette espèce de centre contre l'intégrisme, là, tu sais. Mais il devrait commencer par aller voir ce qui va se passer là, parce que c'est pas intégrisme, le mot qu'ils doivent utiliser, c'est le mot terrorisme. Oui. Et dans ce cas-ci, c'est sur le territoire de l'île de Montréal. Écoute, c'est 192e parade de la Saint-Patrick. Ça fait 192 ans qu'ils paradent à Montréal. C'est un lieu familial. Donc imagine, toi, tu as des jeunes enfants, tu dis, ben, avec ce qu'ils annoncent, là, le COBP, là, la violence, ben, je pense que j'irai pas à la parade. C'est ça qu'ils essaient de faire, hein. Mm-hmm. C'est du terrorisme pour faire peur aux gens, faire peur aux familles. Et dans ce contexte-là, la police, parce que M. Marc Parent, ce matin, le chef de police de Montréal, il disait, on suit ça de près. Arrêtez de suivre, là. Attendez pas qu'il y ait des briques qui se lancent. Allez les rencontrer avant et empêchez-les d'être présents à cet endroit-là. Ils ont déjà annoncé qui était pour faire du grabuge. Je prends un autre exemple aussi. La semaine passée, ou voilà deux semaines, t'as sûrement vu ça passer, quand t'as des étudiants... Alors, ça fait deux, trois semaines de ça, je pense. Un peu avant, une semaine, je pense, avant la démission de Yves Bolduc, du ministre de l'Éducation. Ouais. Les jeunes du Collège Garneau qui se sont enfermés dans son bureau, sont rentrés comme si de rien n'était. Ils ont eu le temps de tourner une vidéo, mais on n'a rien fait. On n'a absolument rien fait. Essaye, toi, Richard, de rentrer dans n'importe quelle espèce d'endroit puis de te faire un vidéo en disant « Tossez-vous de là » puis de faire du bruit. Inquiète-toi pas que les cerises vont arriver puis on va te ramasser deux mains dans le dos. Là. Ben, il y a là le problème. C'est que les gens honnêtes qui travaillent, qui font leur bonne prestation de citoyens, sont toujours les premiers à avoir une claque sur la gueule. Hein? C'est ça. Dès que tu bouges, paye pas une contravention, tu vas avoir tellement de frais que tu vas dire « j'aurais peut-être dû payer ». Alors que si c'est pour la gauche, ben là, on les laisse faire, on prend pas de procédure, on libère les petites filles qui ont fait du terrorisme dans le métro, etc. Et là, on donne le ton en disant, ben quand vous êtes de la gauche, c'est correct, on laisse des passe-droits. Et quand vous êtes des bons citoyens, ben on vous tape ses doigts, puis payez, gang de cave, parce que vous autres, vous avez de l'argent et tout le reste. C'est en plein ça. Essaye d'aller bloquer le pompier à la porte en manifestant aujourd'hui pour n'importe quoi, Richard. Toi puis moi, là, puis admettons, on se ramasse 15-20, là, on va se faire ramasser. Mais si des étudiants, par exemple, ah, ben là, c'est pas la même affaire, là. Là, c'est pas la même chose. On est mou au Québec. On est tellement mou, là. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger, Carl? Je sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça? Comment ça se fait qu'il y a personne qui bouge? Nous, on est capable de dénoncer, là. Comment ça se fait qu'il y a personne qui se mobilise contre ça? Je comprends rien, mais regarde les gouvernements qu'on a aussi, là. Je veux pas être plate, là, mais on n'a pas ben deux mains sur le volant, là, pour contrôler grand-chose, là. À un moment donné, ça va revirer en violence ou en contre-violence si on laisse ça dégénérer. La responsabilité des pouvoirs politiques, là, ça presse qu'il y a de l'action, que ce soit au niveau de l'islamisme politique ou du niveau du terrorisme pur et net comme les anarchistes à Montréal. Tu laisses ça aller, il faut que tu le tues dans l'œuf. Donc, travailler en amont, c'est un nouveau discours qu'on n'entendait pas avant. C'est le temps d'agir, mais si on y agisse pas, il va y avoir des dérapages. C'est ça qui est le problème avec les citoyens. Et je suis totalement d'accord avec toi. Richard Descaries, toujours un plaisir de jaser avec toi. Ben moi de même, à la semaine prochaine. Yes, mister. Prends soin de toi, Richard Descaries, notre analyste politique à Monette Radio X. Richard, c'est Richard, il est super fort.